C'est quoi les neurolectiques? Les neurolectiques vont faire la différence entre le traitement de la dépression et le traitement de la psychose. C'est deux choses différentes. Traiter la dépression est une chose, traiter un sujet psychotique est une autre chose. D'accord? Vous allez voir plus tard. Là, on va expliquer tout simplement, vous allez voir la symptomatologie, on va voir. Mais toute la psychopathe de la dépression et de la psychose, vous verrez quand vous ferez votre vie de psychiatre. C'est quoi les neuroleptiques? Avant de tout, on définit ça d'abord, cette classe pharmacologique. Ce sont des médicaments qui bloquent l'activité des récepteurs dopaminergiques. On n'a pas vu ça, pas vu. Mais bloquent des récepteurs dopaminergiques centraux, en périphérique. Ils sont situés au niveau du cortex cérébral. On va voir la relation avec le traitement de la maladie de Parkinson. On a parlé de l'hypothalamus, du système limbique et de la zone tigrée, de la tigre zone. Dans ce cas, dans tous ces systèmes, dans tous ces sites, il y a deux types de récepteurs. Il y a des récepteurs, comme on a toujours vu souvent, des récepteurs post-synaptiques et des récepteurs pré-synaptiques. D'accord ? Les récepteurs post-synaptiques sont coupés, sont liés à une activité qui est la bénédicte ou la bénédicte cyclase, alors que les récepteurs pré-synaptiques sont indépendants. D'abord, c'est ça, la première notion que je vous demande de retenir. Cette relation avec cette activité. Pourquoi ? Parce que toute stimulation, généralement, sur le plan physiologique, stimule la libération ou de médiateurs de dopamine au niveau de ces récepteurs post-synaptiques entraîne l'activité de l'adénine cyclase qui va transformer l'AMP cyclique en IDD. Très bien. L'IDD va stimuler carrément un second, qu'on appelle le second messager, qui va phosphoryler les membranes et permettre l'ouverture des canaux sodiques, qui entraînent une réponse aux stimulations. On peut comprendre tout simplement sur le plan de physiopathologie que l'activité dopaminergique est liée à une hyperactivité. Si on parle maintenant, j'essaie de faire un peu la relation avec la clinique, la psychose, sont des gens qui sont excités. D'accord ? Ce sont des gens qui sont un peu, je dirais, un peu, vous allez voir, on parlera de sujets hyperactifs. Ça existe. Hein, et on les appelle très souvent, même si c'est des enfants, on les appelle des enfants turbulents. Agités, merci. Et un des symptômes à traiter, vous verrez, c'est l'agitation. Parce qu'il y a l'agitation, il y a le délire, et il y a les hallucinations. Ça, c'est une symptomatologie qui est liée à la psychose. D'accord ? Il y a des gens qui sont ce qu'on appelle hypochondriaques. Graves. Et c'est donc c'est des gens qui ne peuvent pas dormir, d'accord ? On verra, dans l'obscurité. Parce qu'ils s'imaginent des formes. Donc, ils ont une vision, une hyperactivité qui font qu'ils ont des hallucinations. Ils vont dans des ombres, ils entendent des bruits, etc. Là, on revient à la clinique, essentiellement à cette hyperactivité dopaminergique au niveau cérébral qui entraîne une hyperactivité. On est bien d'accord sur ça? Sur le plan, maintenant, on veut, tout simplement, on veut diminuer parce qu'on a un sujet qui a une décharge intense ou qui a des récepteurs actifs vis-à-vis de la libération de la dopamine. On veut directement pour un psychotique, on veut le calmer. Ce qu'on appelle ça le calmant. Et là, on va lui, tout simplement, bloquer les récepteurs. Donc, il y a des bloqueurs post-synaptiques et il y a des bloqueurs pré-synaptiques. D'accord ? Bloquer, c'est la deuxième notion que je vous demande de comprendre, faites attention. Bloquer les récepteurs post-synaptiques, c'est bloquer carrément la transmission. Puisqu'on avait dit que le récepteur post-synaptique était lié à l'activité de l'adényl cyclase qui était responsable de la libération d'un second messager qui permettait d'ouvrir genre, la transmission. Donc bloquer, c'était bloquer la transmission. Or, le blocage du récepteur présynaptique, regardez la phrase, c'est le rétrocontrôle inhibiteur. Puisqu'on avait toujours dit que le récepteur présynaptique était des récepteurs de régulation. Donc quand on inhibe un feedback. D'accord ? C'est ce qu'on appelle un rétrocontrôle. Mais regardez la phrase, c'est un jeu de mots. Un rétrocontrôle inhibiteur. Ça veut dire quoi ? On fait tout pour que le récepteur présynaptique ne pas. Non. Je sais que vous connaissez la réponse, mais on va être plus logique. S'il y avait, si le système fonctionnait biologiquement, d'accord ? Et qu'on a besoin, il n'y a pas de dopamine, que fait le rétrocontrôle ? Il va activer. Il active. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Là, on ne veut pas qu'il soit activé. Très bien. Donc on inhibe le rétrocontrôle de manque. On fait, on bloque comme si, parce que si le récepteur, si il fonctionne, comme je l'ai toujours dit en cours, il ne fonctionne qu'à partir de la quantité de dopamine au niveau de la forme. Quand il y en a beaucoup, il freine. Quand il y en a peu, il décharge. Rien n'est la règle. Donc, non, on veut diminuer l'activité dopaminergique. On ne veut pas qu'il y ait une hyperactivité dopaminergique. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va lui faire comprendre qu'il y en a suffisamment. Donc, on lui supprime le rétrocontrôle de manque d'inhibition. On supprime le rétrocontrôle négatif. D'accord ? J'avais dit, je vais revenir au fur et à mesure, j'avais dit que les récepteurs dopaminergiques avaient été situés dans plusieurs zones. Le cortex cérébral, tout blocage des récepteurs dopaminergiques au niveau du cortex cérébral était responsable d'un effet antipsychotique. Antipsychotique. D'accord ? Un calmant. Au niveau du système limbique, il déprime l'émotivité. Il y a des gens, le système limbique contrôle ce qu'on appelle l'émotion. Et il y a des gens qui sont très, on les appelle très sensibles. D'accord ? D'accord ? Mais c'est plutôt les truquiers. S'il y a des gens, il suffit qu'ils voient les une note. Ils veulent les dessins animés. Savez-vous ? Mais il y a des gens qui sont émotifs. Pas dans ce sens. Dans la psychose, l'émotion, c'est ce qu'il y a d'autre. Il y a des gens, il suffit. Quand il y a un certain mode de vie, il suffit que les gens, ils marchent. Oui, on est si je vous fais. Il y a des gens qui sont enfin, des gens sont en train de regarder. Même s'ils discutent d'autres choses, ils vont se sentir une certaine culpabilité en disant qu'ils sont en train de parler de moi. C'est une forme de psychose. C'est une forme, vous allez voir, c'est une forme internalisée. Et vous allez voir, on va définir, que dans la psychose, il y a deux formes. Il y a des gens qui extériorisent leur effet psychotique ou leur psychose, il y a d'autres qui l'internalisent. Et donc le traitement est totalement différent. Au niveau de la zone négro-striée, on en a parlé. Les récepteurs dopaminergiques contrôlent la maladie de Parkinson. Ce sont anti-parkinsoniens. D'accord ? Mais vous allez voir que les notions sont différentes. Au niveau de la Tigerson, vous vous rappelez dans les premiers cours, c'est un effet anti-émétisant. C'est plus un neurolytique, un anti-émétif. Au niveau donc de la compétition sur les récepteurs noradrénergiques, c'est une sédation, un effet sédatif, un effet calmant. Sur le système de compétition avec le système sérotoninergique, le blocage des molécules de médicaments neuroleptiques sur le système, sur certains récepteurs, c'est l'anti-migraine. Sur les récepteurs H1, cette utilisation, on combien avec les molécules actif faible, d'arax. Et avec les systèmes, la fixation, le blocage de certains médicaments sur les récepteurs cholinergiques, sur les responsables d'effets secondaires. Quand on voit la répartition, ce mécanisme d'action de cette classe thérapeutique, eh bien, on va les classer en deux. Il y a une activité primaire, une activité latérale, une activité secondaire. L'activité secondaire, que j'aimerais bien. Toute compétition, tout blocage des récepteurs cholinergiques va provoquer des effets secondaires de type cholinergique. C'est clair. Quels sont les effets primaires? Les effets de neuroleptiques peuvent avoir une activité primaire sur les récepteurs dopaminergiques, mais à quel niveau? C'est à quel niveau? Au niveau du cortex cérébral et au niveau du système limbique. Cortex limbique, oui. C'est l'émotion, oui. C'est tout? Merci. Noradrénergique et histaminergique. Tout ce qui est sédation, tout ce qui est calmant. On cherche chez un psychotique, on le calme. On le calme soit en agissant de façon directe, soit de façon indirecte, en calmant le malade, soit par sédation, soit en supprimant ses émotions, parce qu'il est très émotif. Le reste va être quoi? Latéral, en dos. C'est anti-parkinsonien, anti-mutisant et anti-mibel. Les neuroleptiques peuvent avoir trois types de réponses pharmacologiques. Ils ont une réponse primaire. La réponse primaire, c'est antipsychotique, anti-émotif, sédation. Activité latérale, anti-cognitif, anti-parkinsonien, anti-migraine. Effet secondaire, un seul, c'est qu'ils sont de type cholinergique. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est la troisième notion de notre santé, c'est-à-dire en fonction des types de réponses. Maintenant, la problématique va se poser, puisqu'on avait dit qu'on a des récepteurs, comme on a parlé du système noradrénergique, comme on a parlé du système cholinergique, on a des récepteurs post et des récepteurs pré. Maintenant, le choix des médicaments. Et de surplus, on va avoir un autre problème. C'est que lorsqu'on dose le médicament, il va se fixer où? Est-ce qu'il a plus d'affinité au niveau du cortex, du système, ou là, au niveau des zones? Et là, on a des classes. Il y a des médicaments comme le Prapérant. Quand on prend le Prapérant est un neuroleptique de par sa classe. Mais il n'est pas donné dans la psychose. C'est pas le but. Et là, on a presque, tout simplement, on a donné. On a exploité son activité latérale qui est devenue une activité carrément. Il y a eu un décalage. L'affinité pour un certain site par rapport à d'autres, et bien peut faire apparaître les effets secondaires avant les effets primaires. On en a parlé avec les antiparkinsoniens. Vous vous rappelez? Les restaurateurs dopaminergiques, j'avais dit qu'ils avaient deux types d'effets. Il y avait des effets précoces et des effets tardifs. Les effets précoces, ce sont des effets transitoires parce que les médicaments peuvent. Et là, vous le verrez souvent, très souvent, que certains médicaments, beaucoup des drogues peuvent faire apparaître les effets secondaires avant les effets primaires. Donc il faudrait demander, expliquer à votre malade, pour être un peu patient. Dans le deuxième cas, c'est l'histoire du Prapérant, c'est que certaines molécules n'arrivent pas à traverser facilement toutes les barrières. Et de ce fait, l'activité latérale est devenue une activité primaire. Et, en d'autres, maintenant, est-ce que ce médicament qu'on va donner va se fixer en poste ou en pré? Ou là, il va se fixer donc, les deux. Et le fait de bloquer le post-synaptique ou de bloquer le pré-synaptique, eh bien, vous aurez des réponses totalement différentes. Si Si on veut schématiser, on veut démettre le terminer, en fonction de la dose, on peut passer au schématisation et la crème. C'est pas mieux que la crème. Vous allez voir sur le plan de propriété thérapeutique. C'est-à-dire, maintenant, on revient à votre domaine. Je dois traiter quoi, en fin de compte? Eh bien, j'ai deux types de névroses, deux types de psychoses. J'ai des sujets qui sont ce qu'on appelle productifs. Productif, c'est-à-dire, c'est un sujet qui manifeste sur le plan clinique des agitations, des délires et des hallucinations. Donc, on doit leur donner des médicaments anti-productifs, qu'on appelle des antipsychotiques. Ce sont des sujets qui produisent beaucoup. Donc, on va essayer de diminuer cette hyperactivité par des anti-productifs. Est-ce que c'est clair sur le plan de terminologie? Mais sur le plan donc pharmacologique, on les appelle les antipsychotiques. Parce que un des syndromes de la psychose, ce sont des sujets qui sont agités, qui développent beaucoup de délires, d'Alzheimer, et des gens qui font des hallucinations. Comme Eugénie, entre Jean-Michel, ça, c'est pas de la dépression, vous allez voir, c'est une autre donnée, une autre activité. Maintenant, le fait de donner des antiproductifs, le fait de sédater un malade, de calmer, il va développer des effets secondaires. Les effets secondaires de quel type? Je les ai mis en bleu, vous allez voir le jeu de couleurs, c'est une indifférence. Il devient akinétique, il a une perte d'initiative. Il devient un peu mou, d'accord? Et c'est quelqu'un qui ne peut pas parler, qui ne veut pas contacter, qui ne veut pas avoir de contact. Et on appelle ça une pauvreté de discours. C'est quelqu'un qui n'a pas une allocution facile. Ça, c'est les effets secondaires du fait qu'on bloque la stimulation. Un sujet. Vous constatez quand on parle, par exemple, si on va prendre, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Quand je parle d'enfants, il y a des enfants qui sont productifs, qu'on appelle actifs. Mais dis, oui, ils ne s'arrêtent pas de parler, ils ne s'arrêtent pas de bouger. Hein, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il est psychotique. Là, mais il a une hyperactivité dopaminergique. Ça, c'est également un de ces trucs. Mais chez un adulte, cette hyperactivité dopaminergique, une personne jeune, adultonus, c'est quelqu'un qui fonctionne, à X à l'heure, mais à partir de certain âge, si on se calme, pas ça, on s'est calmé, c'est parce qu'on est incapable, tout simplement, d'accord? Et là, les médicaments qu'on utilise, c'est l'alcool, l'amitriptyline, et l'alcool, l'allopéridol. C'est des médicaments qui sont le plus utilisés, qui sont commercialisés, le plus souvent dans le traitement des sujets âgés, psychotiques, productifs, qui développent délire, agitation, hallucination. Malheureusement, il y a des gens qui développe une autre psychose, c'est une psychose internalisée. C'est des gens qui vivent dans leur bulle. Ils vivent dans leur bulle, ils ne veulent pas être au contact des gens, ils ne veulent pas manifester le désir quand il y a un regroupement, ils sont pourtant seuls, ils ne veulent pas communiquer, et souvent, on les appelle les atymorniques. L'atymorie, c'est l'absence de l'élan vital. L'atymorie, c'est l'absence de l'élan vital. Il n'a pas cette volonté pour se battre, pour aller truc. Comme vous l'appelez souvent, en termes classiques, c'est de l'arabe, parler, transformer en français, HTM. C'est ça, c'est ça. c'est quelqu'un, il ne manque rien, il est cool, mais c'est pas quelqu'un de calme. C'est des faux calmes. Et là, l'absence, l'antinomie, l'absence de l'élan vital peut aboutir à la dépression. Ça, c'est une phase où le sujet va devenir dépressif, quand il se renferme sur lui-même. En fin de compte, de pourquoi ? C'est que c'est une personne qu'il faudrait, contrairement, tout à l'heure, c'était quelqu'un qui était agité, se calmer. Là, c'est quelqu'un qui faudrait le secouer. C'est-à-dire qu'il faudrait faire quoi ? Hein ? Très bien, lui donner un peu plus de dopamine. C'est quelqu'un, généralement, dopamine dépendant. Ce sont des sujets qui manifestent quoi ? Qu'est-ce qui manifeste ? La dysmorphie, la kinésie, l'indifférence et la perte carrément d'initiative. C'est des gens qui veulent rester dans un contexte à eux. C'est une forme. Maintenant, est-ce qu'on traite quelqu'un ? C'est des extrêmes. Est-ce qu'on traite quelqu'un qui est agité ? Ou là, on traite quelqu'un qui est recalme ? Ça, c'est du terminologie. D'accord ? Vite ! Parce que ce qui est grave, ne l'oubliez pas, c'est ce qui, celui qui est agité manifeste, parce qu'il extériorise. Mais celui... Hein ? Intérieur. Alors, il vaut mieux. À ce moment-là, non, j'ai pas ça. Et la dysmorphie est une phase très dépressive. Maintenant, tu vois, quand quelqu'un est dans ce stade, c'est qu'il est dans une phase de dépression. Qu'est-ce qui se passe ? Regardez, s'il vous plaît. Regardez ce qu'il y a en rouge maintenant. Et regardez ce qu'il y a en bleu. Très bien. On constate que les effets secondaires de l'un sont là, les symptômes à traiter de l'autre. Pourquoi ? Le fait, on est dans ce stade, le fait de trop bloquer les récepteurs dopaminergiques, eh bien on transforme quelqu'un d'agité en quelqu'un d'antimorphique. D'accord ? Et le fait également de trop, là, c'est un sujet qui n'est pas productif, c'est un sujet qui est déficitaire, qui présente un déficit. Un déficit en quoi ? En dopamine. C'est un déficit. Donc on va lui donner un anti. Tout à l'heure, c'était un sujet productif. On donne un anti. Là, maintenant, on donne un anti déficitaire. D'accord ? Et c'est pour cela qu'on les appelle des effets déficitaires. Regardez, quand on met un suffixe DES, c'est le contraire. Donc je ne donne pas un stimulant. Je donne un désinhibiteur. C'est-à-dire que je vais donner un médicament pré-synaptique. Mais là, le traitement des pré-synaptiques pose un problème. Je vous demande, s'il vous plaît, de suivre. C'est très important. Quand je donne, si j'ai un malade, si vous avez besoin de traiter un psychotique. Et que ce psychotique, sur le plan de clinique, c'est la clinique qui nous oriente sur le choix du traitement. Donc, si on doit le donner, je dois donner, il est agité, c'est clair, je dois donner un médicament, post, c'est-à-dire un médicament qui bloque la transmission. Je dois la donner, c'est-à-dire que l'effet ne peut apparaître qu'à partir d'une certaine dose. C'est-à-dire que les faibles doses ne sont pas efficaces. L'effet ne peut apparaître qu'à partir d'une certaine dose, bien. Et il faudrait tenir compte du quoi également ? Non. Très bien. Du temps à demi. Du temps de demi. Ça, ce sont deux éléments. Donc, généralement, c'est la dose et le temps de demi-vie du médicament. Deux éléments pour les postsynaptiques. Pour les présynaptiques, quelle est la particularité du traitement ? Regardez votre cours. C'est pas que ça ne dure pas. Pardon ? Eh bien, on doit les traiter. C'est un malade qui est, vous avez constaté, c'est un malade qui est atypique. Donc vous allez choisir un médicament qui est plutôt présynaptique. Mais le problème, est-ce que c'est un problème uniquement de temps de demi-vie? Est-ce que le temps de demi-vie influence beaucoup là? Non. Qu'est-ce qu'elle a la donne? Pas spécialement en fait. Donc, en 10 minutes. C'est pas faux ce qu'on vous dit, c'est pas une petite dose. La... Si. Qu'est-ce qui est limité? Non. Je veux faire quoi? Je veux prolonger l'effet. Le choix de la thérapeutique doit être focalisé à quel niveau? Moi, je cherche un laser. Oui. Donc, c'est quoi? L'intervalle. Je ne peux pas donner en dessous, parce que c'est un échec. Si je dois donner, si je donne trop, je vais faire quoi? Je vais inhiber. Donc je vais compliquer encore l'état de mon malade. Parce que je vais provoquer un effondrement de l'activité. Je veux, chez mon malade, stimuler son activité. Mais la stimulation de cette activité n'est située que dans une zone. Donc si je prends les doses, je dois donner ma thérapeutique dans une fourche, dans un intervalle. Parce que en dessous, je suis en échec, et au-dessus, je suis en accident thérapeutique. Je vais encore compliquer l'état pour aggraver, merci beaucoup, aggraver l'état de mon malade. Est-ce qu'on est d'accord? Bien sûr. Quand vous suivez la courbe, à faible dose, j'ai dit. Il y a là, les récepteurs. Quand je vais donner, je vais bloquer les premiers récepteurs, les autres récepteurs vont stimuler. Et c'est pour cela que j'ai une augmentation. Or, chez mon malade psychotique déficitaire, il a un déficit. Je dois lui produire, je dois stimuler la libération de dopamine. Si je dois stimuler la libération de dopamine, je dois lui donner ma thérapeutique dans une fourche. Parce que là, si je bloque tous les récepteurs, je vais faire quoi? Je vais diminuer carrément l'activité dopaminergique. Et si je diminue mon activité, je vais encore aggraver. Il était atymorphique. Il avait l'absence d'état vital. Alors j'ai dit, oh, chiffonna. On est bien d'accord? Est-ce que c'est clair? Sûr? C'est clair? La question, qu'est-ce qu'on peut donner comme médicament? Un médicament que vous connaissez, pardon, mais je vais prendre, médicament que vous connaissez tous, qui est commercialisé, c'est Supérid. Dogmatique. Généralement, on le donne, finalement, pour des pathologies même gastriques, d'accord? Pour les gens qui ont un peu ce qu'on appelle des stress. Mais également, c'est un médicament pour les gens qui sont un peu atypiques. Faites attention, on peut le donner à faible dose. Mais il faut faire attention au dosage de ce médicament. Et il y a la deuxième molécule qui est un peu plus forte, c'est le monditène. Il est plus fort, il est plus spécifique que le dogmatique. Indiqué. Tout dépend de l'état de votre malade, tout dépend de la dose du comprimé. Non, vous donnez le traitement en fonction. Si c'est des comprimés à 100 mg et que c'est indiqué qu'il faut le donner entre 100 et 200, c'est entre 100 et 200 mg. Ne pas donner 300 mg parce qu'au-delà, l'activité antidéficitaire n'est située parce qu'entre 100 et 200 mg, vous allez avoir un Cmax dopaminergique. Est-ce que c'est clair? On est bien d'accord? C'est un autre déficitaire, c'est un désinhibiteur. C'est différent. D'accord? Est-ce qu'on est bien d'accord? La question piège. La question piège, c'est que parfois chez des malades, on donne un anti-productif avec un désinhibiteur. C'est là que ça prend le très bien. Je peux donner chez un malade, vous suivez, je peux donner un désinhibiteur chez un malade productif. Comme disait votre camarade, pour corriger les effets. Mais je n'ai pas le droit, je ne vous pouvais pas, c'est interdit, c'est un accident thérapeutique, de donner un antiproductif, même si vous pensez un antiproductif chez un sujet déficitaire. Très bien, vous êtes encore aggravé. Est-ce que c'est clair? Le premier schéma est un schéma indiqué, possible. Le deuxième schéma, c'est un échec, c'est un accident thérapeutique. Est-ce que c'est clair? Je termine. Avec ça, un coup sur le normal qui est léger. Il y a des médicaments qui sont classés, qu'on appelle comme certaines benzos, diazépines, comme le Praxène, comme le Rivotril également, qu'on appelle anxiolytiques. Anxiolytiques, c'est différent. C'est pas des antiproductifs. C'est pas des antidéficitaires. C'est une classe qu'on appelle les anxiolytiques, c'est-à-dire qu'il y a des sujets qui sont anxieux. Diazépine. Pour un oui ou un non, angoisse. On le donne, on appelle médication d'anxiété. Anxiolytique. Ces médicaments sont susceptibles d'entraîner un effet qu'à faible dose. Il y a le nosinon. Maintenant, je n'ai pas spécifié dans la flash tout ce que j'avais dit à faible dose, j'aurais pu les classer avec les antidéficitaires. Vous posez toujours une question, vous êtes une question avant l'âge. Moi, j'avais regardé, vous allez vous poser des questions. Et moi, j'attendrai des réponses. Ils vont agir. Est-ce qu'ils agissent sur D1 ou sur D2? Si votre camarade dit qu'il n'y a ni l'un ni l'autre. Alors qu'est-ce que les deux, hein? Ah. Par contre, ni l'un ni l'autre, oui. Parce que si j'assiste sur D2, on aurait pu dire qu'ils sont classés avec les antidéficitaires. Ils ne peuvent pas être D1. Parce que ce sont des anxiolytiques. Donc s'ils n'agissent ni sur D1, ni sur D2. Sur quoi? L'autre récepteur, en l'occurrence. Hop, système oui. Qu'on avait cité en tant que très bien tout ce qui est responsable de la sédation, c'est-à-dire les récepteurs du nord, ils agissent ailleurs, et c'est pour cela qu'on les appelle les sédatifs, ou là les anxios, ce sont des médicaments qui ne sont ni antidéficitaires, ni antiproductifs, d'accord? Ils n'ont aucune relation avec la dénicyclase, mais ils bloquent les récepteurs de la sérotonine, et de la noradrénaline, c'est-à-dire dans les médicaments. Est-ce que c'est clair? Je vous demande, s'il vous plaît, de retenir que vous avez deux types de récepteurs, des récepteurs liés à la dénicyclase, récepteurs indépendants de la dénicyclase. Le récepteur postsynaptique est responsable de la transmission. Le récepteur présynaptique est responsable du rétro en fonction de la clinique. Est-ce que vous avez un sujet qui est productif et vous donnez des antiproductifs En d'autres termes, vous donnez des médicaments qui bloquent la transmission. D'accord ? Sinon, vous avez un sujet au calme. Au calme, c'est un sujet qui présente un déficit. On donne un anti-déficitaire. Et là, on agit sur les récepteurs de rétro-contrôle. Les premiers sont appelés les antipsychotiques. L'autre, ce sont des désinhibiteurs. On peut corriger les effets secondaires d'un productif en lui associant un désinhibiteur. L'inverse est vrai. Il y a des névroses, des sujets anxieux, auxquels on ne donne ni des antiproductifs, ni des antidéficitaires. C'est les sédatifs anxiolytiques, mais pour les médicaments qui n'ont aucune relation ni avec la vinylcyclase, ni avec le récepteur pré-postsynaptique, donc ils vont donner et bloquent les récepteurs périphériques. Autre, c'est les récepteurs noradrénergiques et histaminergiques. Est-ce que c'est clair?